The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Living room set. Le salon. Couch. Le canapé. In. En. Leather. Le cuir. Franc. Le franc. Euro. L'euro. To change. Changer. Currency. La monnaie. To make. Faire. How much. Combien. Calculator. La calculette. White. Blanc. Now, a bit faster. Franc. Le franc. Couch. Le canapé. Calculator. La calculette. To change. Changer. Calculator. La calculette. Living room set. Le salon. To make. Faire. Franc. Le franc. White. Blanc. How much. Combien. Franc. Le franc. White. Blanc. Franc. Le franc. Calculator. La calculette. In. En. Living room set. Le salon. To change. Changer. Euro. L'euro. Leather. Le cuir. How much. Combien. In. En. Leather. Le cuir. Living room set. Le salon. To change. Changer. Currency. La monnaie. Now, use the words in context. En. When I was little, I had wooden toys. Quand j'étais petite, j'avais des jouets en bois. Changer. I feel like changing clothes. J'ai envie de changer de vêtements. Faire. I accepted the idea that she didn't want to be with me. Je me suis fait à l'idée qu'elle ne voulait pas de moi. Faire. I accepted the idea that she didn't want to be with me. Je me suis fait à l'idée qu'elle ne voulait pas de moi.